Je voudrais parler au petit Quika. Mais non, ce n'est pas ça le petit Quika. Ça non plus. Ah, le voilà. Oh, mais dis donc, tu as beaucoup d'amis, petit Quika. Mais tu sais, c'est à toi tout seul que je voudrais parler. Mais oui. Entraîner, c'est dur.